Les lys envolés. Poème extrait de La blessure des mots de Thierry Cabot. Te vois-tu, mon parterre à l'ignoble figure? Te vois-tu, déjà seul et fertile en douleur? Car le temps, ce venin somptueux d'envergure, dès la semaine enfuie, a ravagé tes fleurs. J'en avais pourtant mis de toutes les couleurs. Des lys partout, des lys que juillet transfigure. Ils fredonnaient si bien parmi les vents siffleurs. Ils crépitaient si bien d'un feu de bon augure. Et bientôt, quel gâchis, quel spectacle éhonté! Chaque fleur, comme une âme au velours insulté, exhale le poison des caresses fatales. Mais ne serais-je pas moi-même un songe creux? Une ombre qui ployant dans son jardin peureux, va, fantôme erratique, effleurer de pétales. Fin du poème « Les lys envolés » de Thierry Cabot. Illustration musicale « Saint-Nesse » de Pascal Krieg, édité par le site musiclibre-cc, tout droit réservé.